Un podcast réalisé par Emma et Léa. Putain de combat. Une question de prostitution. Épisode 2. Proxénète bourreau, client complice. Depuis 2016, une nouvelle loi est mise en place. C'est la loi de pénalisation des clients. Le but de cette loi est de faire reconnaître la prostitution comme une violence. Ceci confirme la position abolitionniste de la France. Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Des associations comme le Mouvement d'Unis, qui est une association d'unité publique luttant contre les causes et les conséquences de la prostitution, ou Oser le féminisme, qui elle est une organisation féministe abolitionniste, soutiennent cette loi. Leurs discours sont très présents dans les médias. Reçue en novembre 2013 sur le plateau de France 24, Justine Rochorieux, coordinatrice Île-de-France du Mouvement d'Unis, s'exprime sur la loi de pénalisation des clients. Si on considère, et c'est le cas au Mouvement d'Unis, et c'est le cas pour la plupart des associations féministes, si on considère que la prostitution est une violence, ce qui a été reconnu par l'État français et par l'ensemble, la quasi-totalité des associations féministes en 2010, si on considère que la prostitution est une violence, il s'agit de savoir qui est l'auteur et qui sont les responsables de ces violences. En l'occurrence, il y a les proxénètes et il y a aussi les clients. Donc là, c'est repositionner dans une juste mesure la responsabilité de chacun et de chacune. En l'occurrence, enfin, comme je viens de l'expliquer. Ensuite, sur la question de la précarité et de la vulnérabilité, prétendre qu'aujourd'hui être prostituée en France, telle que nous les rencontrons au Mouvement d'Unis, donc sur le trottoir, dans la rue, mais aussi sur les routes ou dans les forêts, considérer qu'elles sont dans une situation acceptable au niveau sanitaire, au niveau sécurité, au niveau de leur vie en tant que telle, c'est extrêmement naïf ou extrêmement naïf. Elles sont déjà dans une situation qui est absolument dramatique à tous les niveaux. Et je ne crois pas que ça va être cette loi-là qui va les précariser, elles, en tout cas refroidir peut-être les clients, peut-être, oui. Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, une des porteuses de cette loi de pénalisation des clients, écrit dans le Huffington Post l'importance de cette loi et déconstruit la vision selon laquelle il existerait une prostitution heureuse. Aujourd'hui, 80 à 90% d'entre elles sont d'origine étrangère, victimes de la traite organisée par des réseaux criminels transnationaux. Le choix assumé de vendre des services sexuels au nom du droit à disposer de son corps n'existe pas, ou très marginalement. La prostitution heureuse est une fiction. Elle n'enrichit pas celles et ceux qui l'exercent, mais les proxénètes qui se livrent au trafic d'êtres humains. Il paraît improbable que la loi du 13 avril 2016 porte atteinte à une liberté d'entreprendre qui révèle du crime organisé. De la même manière, elle pourrait difficilement bafouer le droit au respect de la vie privée des personnes prostituées, puisque leurs activités mêmes les en dépossèdent. L'expression populaire « fille publique » trouve ici tout son sens. La société qui tolère l'achat d'actes sexuels accepte l'idée que le corps des femmes soit mis à la disposition des hommes et devienne un bien public. Il y a encore une fois cette idée selon laquelle la prostituée est une victime, qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait et qu'elle est dépossédée de son propre corps. Judith Trincard, médecin addictologue, réalise en 2002 une thèse sur laquelle le Mouvement d'Unis s'appuie pour expliquer les problèmes psychologiques des prostituées. Au contact des personnes prostituées, en les écoutant, on voit apparaître ce que nous appellerons le double discours. Il se manifeste par un discours de déni de la souffrance prostitutionnelle, physique et psychique, coexistant avec un discours de dénonciation de cette même souffrance. À un moment donné, la personne prostituée va se présenter avec un discours exaltant les aspects positifs de son activité. Beaucoup d'argent, en peu de temps, liberté des horaires, pas de compte à rendre à un employeur, manipulation de la gente masculine, sexualité libre. Dans le temps qui suit, elle va ensuite présenter un discours de dénonciation des aspects négatifs. Violence de la rue, isolement social, contrainte des rapports subis, dégoût des hommes, argent qui brûle les doigts qu'elle n'arrive pas à capitaliser, éloignement de la famille ou des enfants, stigmatisation sociale, autodévalorisation. Cette alternance peut se présenter de façon si rapide qu'alors les deux discours deviennent audibles quasiment simultanément. Cela engendre une paralysie de la capacité d'analyse du phénomène prostitutionnel et de ses conséquences, notamment sur la santé. Dans le débat de l'émission sur France 24, Ovidie, ancienne actrice porno, aujourd'hui réalisatrice, journaliste et écrivaine, ajoute une nuance sur les violences sexuelles. Il faut faire quand même un distinguo entre viol, violence conjugale et exercer librement ce métier. Enfin, je veux dire, il y a quand même un distinguo entre faire une passe et subir un viol. C'est quand même pas tout à fait... On n'est pas dans le même niveau de violence. Une prostituée ou un prostitué qui est violé fait parfaitement la distinction. Leur parole n'est pas écoutée parce que c'est comme si c'était des enfants. Voilà. Et à partir du moment où il y a des prostituées qui disent non, on exerce de manière libre, on ne veut pas les entendre parce que c'est un choix qui dépasse. Et moi, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu aussi pour les actrices porno. Et d'ailleurs, je pense que la continuité de cette loi, ça va toucher la pornographie tôt ou tard. C'est cette idée que, oh là là, elles n'ont absolument pas conscience de leur domination au système patriarcal. Elles n'ont pas conscience de cette domination masculine comme si elles étaient complètement idiotes et comme si elles étaient complètement naïves. Ovidie fait un rapprochement avec la pornographie. Elle traite d'ailleurs de ce sujet dans son documentaire « Là où les putains n'existent pas », qui évoque le modèle abolitionniste suédois et ses conséquences par le biais d'un fait divers. Pour bien comprendre l'histoire d'Eva Marie, il faut la replacer dans son contexte culturel et juridique. La Suède est considérée comme un des pays pionniers en termes de révolution des mœurs. Du début des années 50 jusqu'à la fin des années 70, elle a fait de la Scandinavie le symbole de la libération sexuelle. Pourtant, dans les années 80, cette libération a observé un tournant conservateur. Les revendications d'émancipation des organisations féministes se sont vues brutalement détournées au profit de mesures liberticides. Au nom des droits des femmes, la Suède s'est jurée d'éradiquer toute forme de travail du sexe. En 1999, elle est devenue le premier pays au monde à adopter une loi de criminalisation des clients. Depuis, ils encourent une amende et jusqu'à 6 mois de prison. En réalité, aucun client n'a jamais été incarcéré, alors que la situation des prostituées n'a cessé de se dégrader. Officiellement, leur activité n'est plus illégale. Elles ne sont plus considérées comme des délinquantes. Mais la réalité se révèle autrement plus pernicieuse. La loi les considère comme des victimes de violences sexuelles, et ce, qu'elles se reconnaissent comme telles ou non. La parole de celles qui revendiquent exercer de leur plein gré est systématiquement décrédibilisée. Et tout est mis en œuvre pour les obliger à quitter la prostitution, jusqu'à prendre leurs enfants en otage, si rien ne venait à les convaincre. La France a calqué sa loi sur le modèle suédois, qui, selon la procureure Listam, aurait fait ses preuves. On en a nettement moins, on en a beaucoup, beaucoup moins, je dirais même. Les travailleurs indépendants, à mon avis, c'est très marginal. Nous, on n'en voit vraiment pas souvent ici. La grande, grande majorité sont des étrangères. Elles sont victimes de traite et elles ont un proxénète qui prennent leur argent. C'est sûr, sans demande, sans client, la prostitution diminuera énormément et peut-être elle disparaîtra même. Donc c'est sûr que s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas de prostitution, il n'y aura pas de traite, il n'y aura pas de proxénétisme. Oser le féminisme, comme le mouvement du Nid, défend la loi de pénalisation des clients. Le 19 novembre 2013, Julie Muret, cofondatrice de l'organisation, parle de cette loi et de leurs souhaits concernant la prostitution, c'est-à-dire le refus d'avoir un échange d'argent contre un acte sexuel. Le mouvement du Nid organise le 23 novembre 2018 une conférence sur les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants. On y entend des survivantes de la prostitution argumenter sur le fait que la prostitution n'est rien d'autre qu'un viol. Est-ce que vous imaginez combien c'est violent quand justement on ne paye pas, on appelle ça un viol. Alors pourquoi ? Parce qu'on met quelques billets sur la table de nuit, ce n'est plus un viol. Rosanne Hischer, ancienne prostituée, s'exprime régulièrement dans les médias pour témoigner des violences qu'elle a subies. Elle fait aujourd'hui partie du mouvement des survivantes qui lutte pour que les prostituées se reconnaissent comme des victimes. Mon objectif aujourd'hui en tant qu'ancienne prostituée et membre du mouvement des survivantes, c'est de libérer la parole des prostituées, qu'elles aient enfin le droit de dire la vérité, le droit de parler, que ça ne soit plus une honte pour elles, mais quelque chose de subi, qu'elles le vivent comme quelque chose qu'elles ont subi. Ce n'est pas du tout évident de se dévoiler, c'est vrai que c'est honteux d'en parler. Mais il faudrait peut-être arrêter d'avoir honte et que toutes les femmes puissent aujourd'hui dire « j'ai subi, mais je suis une victime et je veux m'en sortir ». La loi de 2016 propose des parcours de sortie aux prostituées et aux clients. Les parcours de sortie proposés montrent encore une fois l'infantilisation de la prostituée qui doit se repentir de ses actes. Il faut qu'elle sorte du système prostitutionnel pour être à nouveau considérée comme une personne normale. Peu de femmes optent pour ce parcours. Il y a une réelle différence entre devoir s'en sortir et vouloir s'en sortir. En ce qui concerne les parcours de sortie des clients, des stages de sensibilisation leur sont proposés comme pour remédier à une addiction ou soigner une pathologie. Il y a très peu de slogans venant des mouvements abolitionnistes. Cela est peut-être dû au fait que ces mouvements passent par d'autres formes de démonstration dans l'espace public. Ils sont plus visibles médiatiquement, car en accord et en dialogue avec l'État. La prostituée est victimisée, le client blâmé et la prostitution diabolisée. Dans le prochain épisode, nous parlerons des mouvements syndicalistes et de leur combat pour reconnaître la prostitution comme un travail.